Ndiko Banyanga. Erukuimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Analyse et adoption au cours de la semaine de la stratégie nationale de promotion du commerce transfrontalier par le Conseil des ministres. Le commerce transfrontalier qui offre des opportunités de diversification de l'économie. Vous entendrez à ce propos le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Les habitants de la colline Mirama, zone Mobuga, commune et province Kitega, réclament l'électricité de leur colline. C'est après l'inauguration de la centrale de l'énergie solaire mardi dernier par le chef de l'État Evariste Ndayishimiye et la chronique nutrition de ce dimanche axée sur le pamplemousse qui booste le système immunitaire. Comme l'explique Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionnel, bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Conseil des ministres tenu la semaine en cours a analysé et adopté la stratégie nationale de promotion du commerce transfrontalier. Le commerce qui offre des opportunités de diversification de l'économie. Ce Conseil des ministres a recommandé l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion du commerce intérieur. Suivez à ce propos Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le commerce transfrontalier offre des opportunités de diversification de l'économie. Il permet aux populations généralement à faible revenu de se reconnecter au monde et d'accéder à des biens et services indispensables à la vie de leur ménage. Le commerce transfrontalier contribue à encourager la solidarité entre les communautés frontalières et favorise par conséquent la paix, la stabilité et la solidarité entre les peuples des pays voisins. C'est pour cela que le Burundi a élaboré la présente stratégie dont l'objectif est justement de promouvoir le commerce transfrontalier avec ses voisins. Il est attendu que cette stratégie aboutisse à la suppression progressive des obstacles qui handicapent le commerce transfrontalier entre le Burundi et ses voisins, à savoir la faiblesse des infrastructures, les nombreuses et lentes procédures aux frontières et la gestion des frontières dans son ensemble. Cela conduira à une intégration effective du petit commerce transfrontalier informel dans le circuit commercial formel. La présente stratégie est alignée sur la vision 2025 et surtout sur le plan national de développement. Sa vision est un commerce transfrontalier florissant, dynamique, moteur d'exportation et d'inclusion sociale pour booster l'économie. Après échange et débat, cette stratégie a été adoptée avec la recommandation d'élaborer une stratégie nationale de promotion du commerce intérieur. Selon ce Conseil des ministres, le gouvernement burundais a exprimé sa volonté de redynamiser le secteur pharmaceutique afin de s'ajuster aux normes réglementaires et instruments juridiques auxquels il fait partie. Ce Conseil des ministres a recommandé une bonne réglementation du secteur pharmaceutique. Suivez à ce propos Prosper Nagwamiye encore une fois. Le gouvernement du Burundi a exprimé la volonté de redynamiser et de renforcer le secteur pharmaceutique en amorçant des réformes en matière de réglementation du secteur pharmaceutique afin de pouvoir s'ajuster aux normes réglementaires et aux différents instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels l'État du Burundi est parti. C'est dans ce cadre que la loi numéro 1/11 du 8 mai 2020 portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament à usage humain a été promulguée et que la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires a fait place à l'autorité burundaise de régulation des marchés à usage humain et des aliments à Brema, mise en place par décret numéro 100/039 du 26 février 2021. Eu égard aux changements et aux progrès opérés en la matière, l'ordonnance ministérielle numéro 630/540/750/11 du 2 août 2013 portant mode et conditions d'homologation des médicaments à usage humain et autres intrants pharmaceutiques au Burundi n'est plus d'actualité. Il est donc d'une importance capitale de la mettre à jour conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur, aux avancées en matière d'homologation dans la région et au niveau international. D'où la proposition de deux projets d'ordonnance, l'important mode et conditions d'homologation des médicaments à usage humain et l'autre fixant les tarifs et redevances pour les services offerts par l'autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des aliments. Après échange et débat, les deux projets d'ordonnance ont été adoptés avec les recommandations suivantes. Le secteur pharmaceutique doit être bien réglementé et une attention particulière doit lui être réservée. L'inspection pour identifier les médicaments non remplissant pas les normes ou périmés s'inscrit dans le cahier des charges du ministère en charge de la santé publique et n'est donc pas un service qui doit être payé. Les frais de destruction doivent être calculés par intervention et non calculés par jour. Les frais perçus pour la destruction des produits doivent être versés sur le compte général du Trésor. Les ministères concernés sont appelés à étudier comment la BREMA et le BBN peuvent travailler en synergie. L'actualité continue sur Isanganiro, page société à présent. Les habitants de la colline Mirama, zone Mubuga, commune province Gitega, réclament la rectification de leur colline. Pour eux, l'électricité occasionnera l'augmentation du rendement scolaire chez leurs enfants, sans oublier la création de pas mal d'activités génératrices de revenus. C'est au moment où il a été récemment construit à leur colline une centrale scolaire voltaïque et le courant électrique produit est acheminé en totalité ailleurs. Les détails avec Jilane Vikisa. Ces habitants de la colline Mirama réclament l'électrification de leur colline. Nous n'avons pas encore eu de l'électricité. Nous aimerions demander à nos chers chefs collinaires, chefs de la zone, ainsi que l'administration de notre commune de Gitega, que le projet que la colline soit électrifiée soit fait prochainement. Au cas où leur demande aurait une issue favorable, ils avouent que le rendement scolaire sur leur colline augmentera sensiblement et beaucoup d'activités génératrices de revenus seront créées. Si la colline Mirama, il y a l'école fondamentale, il y a également le lycée communal. Les élèves peuvent profiter de cette électricité pour réviser les cours et comme ça le rendement sera amélioré. Parce que on a l'habitude de dire que la zone Mubuga connaît peu de résultats scolaires dans toute la commune. Cela pourrait faire que notre zone augmente le rendement en ce qui concerne l'éducation. Il y a également des salons de coiffure. Une fois que l'électricité est obtenue sur notre colline, ces salons peuvent se multiplier. Également, la population peut acheter des télévisions pour profiter de cette électricité afin de voir ce qui se passe à la télévision. Il y a également les postes à souder. On peut fabriquer beaucoup de choses comme les portes métalliques, les fenêtres métalliques et ainsi de suite. Donc là où il y a de l'électricité, le développement suit immédiatement. Et pendant les cérémonies d'inauguration de cette centrale solaire érigée à cette colline Mirama qui ont eu lieu au début de cette semaine qui s'écoule, le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, a dans son discours rappelé la promesse du directeur général de l'entreprise Gigawatt qui a construit cette centrale, la promesse d'électrifier la colline Mirama. Et le gouverneur Venant Manirambona a ajouté qu'ils attendent encore la concrétisation de cette promesse. Ce responsable de l'entreprise Gigawatt qui était présent a dit oui avec la tête. Et cette entreprise Gigawatt a une capacité générale de 7,5 kWh et elle est fonctionnelle depuis le 12 février 2022. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira pour tous ces détails. Les femmes et les filles des sciences méritent un appui et un soutien. C'est ce qu'a révélé la présidente de l'organisation FAO Burundi, Forum des éducatrices africaines, ce samedi lors de la finale de Miss Science. Adice Nindolera, présidente de cette organisation, trouve que la contribution de ces femmes et de sciences s'avère utile pour atteindre les objectifs du développement durable. On l'écoute. Nous avons constaté que les filles sont capables aussi en sciences. Et nous avons aussi constaté que les filles, même si elles sont capables, elles nécessitent d'être encouragées. Nous avons vu la joie qu'elles ont eue lorsqu'elles ont reçu les prix. Ça montre que elles seront plus motivées pour mettre à profit les sciences, pour embrasser les filières scientifiques. Nous sommes focalisés sur les filles parce que nous avons organisé ces compétitions Miss Sciences dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles et de sciences qui est célébrée le 11 février de chaque année depuis 2016. Et le thème de cette année, c'était innover, élever, démontrer, je crois, donc de suite. Et c'était pour que, dans ce sens, nous avons voulu que les filles puissent aussi avoir un rôle à jouer en réfléchissant à ce thème pour qu'elles puissent avancer au niveau des sciences et pour mettre, comme les Nations Unies le disent, les femmes et les filles au cœur du développement durable. Et parce que le développement durable ne peut pas être réalisé sans les sciences qui sont au service de ce développement. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Riche en nutriments, le pamplemousse booste le système immunitaire. Selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, le pamplemousse regorge de nutriments utilisés et de vitamines A et C. Il est aussi riche en fibres et en minéraux. Antioxydants puissants, la vitamine C protège les cellules de différents bactéries et virus. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayong. Le pamplemousse contient la vitamine C qui protège les cellules, selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza. Ce chercheur signale que la consommation de deux pamplemousses au quotidien diminuerait le taux de triglycérides. La pulpe du pamplemousse contient une quantité modérée d'hydrate de carbone et très peu de protéines et de lipides. Parmi les vitamines, il y a la vitamine C qui est abondante dans les pamplemousses et il présente aussi d'autres choses très significatives comme les minéraux, mais il contient peu de sodium. Mais le pamplemousse contient en abondance du potassium, en plus d'une certaine quantité de calcium et aussi de magnésium. Les personnes qui ont des problèmes appelés artériosclérose doivent consommer beaucoup plus le pamplemousse. Et celles qui ont le problème du cœur sont recommandées à consommer beaucoup le pamplemousse. Surtout pour la personne qui a des problèmes qu'on appelle artériosclérose, le pamplemousse exerce une action protectrice sur la paroi des artères. Il évite que sa paroi est épaississe et durcisse à cause des dépôts de cholestérol à leur calcification. Ça empêche que les mauvais cholestérol, les graisses saturées, qu'ils puissent quand même se déposer au niveau des parois des artères. Le pamplemousse est recommandé aux personnes qui souffrent du cœur, notamment quand il existe une insuffisance cardiaque. Par exemple, les hypertendus doivent aussi consommer du pamplemousse en abondance. Jean-Paul Ouineza dit que le pamplemousse contient aussi d'autres types de vitamines qui sont nécessaires pour l'organisme. Le pamplemousse possède une faible teneur en substances nutritives. La plupart de ses propriétés diétético-thérapeutiques sont attribuables à ses composants non nutritifs. Il s'agit de la pectine, la pectine qui est le type de fibres végétales solubles qui se trouve dans de nombreux fruits comme les agrumes et aussi les pommes. Il y en a d'autres choses qui se trouvent dans les pamplemousses qu'il faut aussi signaler, notamment flavonoïdes ayant des propriétés fluidifiantes pour le sang et aussi antioxydantes et anticancérigènes. Le pamplemousse est originaire de l'Asie du Sud-Est, même au Burundi, il est cultivé dans différentes provinces. Voilà, c'est sur cette chronique nutrition sur le pamplemousse que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rekouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Au revoir.